emprisonné dans une cage de rêve. Honneur éphémère devant mes anges, je fais le mort. L'esprit sonné, pense tu clap, le freine. Paro chaque jour, le spin dog à ma porte. Je le baisse à puis je m'abaisse un peu si y'a de la dope, y'a de la prod. Le temps s'affile comme un camé devant les cops. Sur un étang, je patine car tout est classé dans ce décor. La route s'assombrit, l'amour est en son prix. On se fiche, camouflé dans l'oubli, on se fiche à nous-mêmes dans ce tourbillon de tristesse. Tous les jours, je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait. C'est bien que devant le très haut faudra faire ce qu'il m'allaisse. J'ai croqué dans la bombe speed comme un coquet dans la porche. L'époque me choque, la drogue assèche les poches. Décollé sans la dope, c'est mort béni. J'ai la santé et des proches, mes bols terribles. Sont les placements de tech, j'entends les holy fuck. J'suis autre part, j'me cache dans l'au-delà. Je navigue, j'pète un autre spar de hache. Les boulettes crament comme Notre-Dame de Paris. J'parle jamais de veine quand j'écris mes palabres. Faut que ça bouge mais j'm'agache, j'crois que les genoux de mon cerne et sa race. Type dans le bad a fait de l'artisanat. La mine est devenue mon arme, j'artiste plante mauvais délire quand j'aiguise mon sabre. T'façon j'suis un grain de sable dans ce désert, un type instable, antisocial. Croire en ma race c'est pas gagner, ça m'énerve. La déprime se lit sur mes nerfs, chaque matin difficile que j'émerge. Espérer c'est même plus la peine, plus j'suis en panne, pas d'éther. Faut du pèse, sa race antillard, j'suis belle baraque. La réussite a comme un coup de moutonnerie, j'bosse ça là. J'ai pas envie de me ranger mais j'vais devoir le faire. Impuissant de voir mon être s'autodétruire, plus j'ai donc l'échec quoi. T'as vu la vie, c'est pas trop comme sur le papier. D'abord on te propose une rose trop jolie, mais elle va se faner. J'finis fanny chaque fois, jouer de ma muscu. J'ai pas fait muscu, tirer sur la corde, ça m'amuse plus. Excès de spleen, j'attends que mes chaînes se brisent d'échec. L'échec se tire le vice, mais c'est échec, c'est triste. Cicatrice interne, pas sans pile, le stress monte. Et qui a dit qu'on s'enterrait à compter les secondes? J'ai beaucoup trop de rancune, pitié, Seigneur, emporte les chutes, c'est 4 dans un cimetière. Un vegan devant un beefsteak. J'm'écarte, j'pars en t-shirt. Reste qu'un j'garantis, c'est vu que le malin a modifié mon odyssée. J'pars en prise, certes, mystère. Au fond, qui sont les vipères et les fils d'up qui tiennent les ficelles de nos vies. Bref, on m'a dit profite de la if, trop tard, j'm'enterre, c'est bête. Ça me fait pas gollerie, ici pas trop d'âme en peine. C'est un exception, c'est l'espoir, la déception, c'est un sport. J'ai beaucoup soufflé, rester en apnée, c'est un tort. L'exception, c'est l'espoir, la déception, c'est un sport. J'ai beaucoup soufflé. J'accède pas sur ce qui va pas, j'me sens seul pour mes craves rabattes. J'sais pas trop ce qu'il racave, ça rappe sur du tenso, le macache. Ouais, j'suis bien dans mes sons de connard. J'm'en parle sur du nerda. Faites sur jamais de cravate, j'assume tout ce que j'craque, c'est ma life. Bien sûr qu'on finira malade, complètement fou, c'est pas grave. J'suis sur tout à la crave pour sécher mes yeux, y'a la cave. Bien sûr qu'on a fait les 400 vases où le mec s'arrache. Postillon et Saras, balance la prod qu'on la marave. Ça sera pas comme au Koné Maral, décor est moins beau. L'air y est pesticidé, quand j'quête le ciel, j'vois s'écrouler les oiseaux. Y'a pas d'attaque, là c'est les salons, ni la niaque d'un jeune artiste fauché. Moi j'm'enterre là, j'vide la taille du sac après j'pars pioter. J'avais choisi un thème à la base, mais j'me suis du père. Cramé beaucoup de phases à la rage pour pas les buter. Trop dans l'excès, pas dans la joie qu'on excelle. J'crois que l'ange gardien s'est vexé, il ignore mes appels, allez.